Le tsar n'a pas assujetti seulement l'Église à l'État, à l'exemple des sultans turcs, mais, plus grand politique, il a détruit une milice semblable à celle des janissaires. Et ce que les Ottomans ont vainement tenté, il a exécuté en peu de temps. Il a dissipé les janissaires moscovites nommés Strelitz, qui tenaient les tsars en tutelle. Cette milice, plus redoutable à ses maîtres qu'à ses voisins, était composée d'environ 30 000 hommes de pied, dont la moitié restait à Moscou et l'autre était répandue sur les frontières. Un Strelitz n'avait que 4 roubles par an de paye, mais des privilèges ou des abus le dédommageaient amplement. Pierre forma d'abord une compagnie d'étrangers, dans laquelle il s'enrôla lui-même et ne dédaigna pas de commencer par être tambour et d'en faire les fonctions, tant la nation avait besoin d'exemples. Il fut officier par degrés, il fit petit à petit de nouveaux régiments, et enfin, se sentant maître de troupes disciplinées, il cassa les strélites qui n'osèrent désobéir. La cavalerie était à peu près ce qu'est la cavalerie polonaise et ce qu'était autrefois la française quand le royaume de France n'était qu'un assemblage de fiefs. Les gentilshommes russes montaient à cheval à leurs dépens et combattaient sans discipline, quelquefois sans autres armes qu'un sabre ou un carquois, incapables d'être commandés et par conséquent de vaincre. Pierre le Grand leur apprit à obéir par son exemple et par les supplices, car ils servaient en qualité de soldats et d'officiers subalternes et punissaient rigoureusement en tsar les boyards, c'est-à-dire les gentilshommes qui prétendaient que le privilège de la noblesse était de ne servir l'État qu'à leur volonté. Il établit un corps régulier pour servir l'artillerie et prit 500 cloches aux églises pour fondre des canons. Il a eu 13 000 canons de fonte en 1714. Il a formé aussi des corps de dragons, milice très convenable au génie des moscovites et à la forme de leurs chevaux qui sont petits. La Moscovie a aujourd'hui, en 1738, 30 régiments de dragons, 2 000 hommes chacun, bien entretenus. C'est lui qui a établi des hussards en Russie. Enfin, il y a eu jusqu'à une école d'ingénieurs dans un pays où personne ne savait avant lui les éléments de la géométrie.